certaines personnes qu'au fond de moi j'avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire affaire à tout. Je suis resté froid et j'ai laissé croire à certaines personnes qu'au fond de moi j'en avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire affaire à tout. Je voulais remonter à la surface, arrêter de faire du surplace, prouver au monde qui j'étais, montrer ce que j'avais dans le futal. À cette époque, 16 piges, le choc fut brutal, craintif. On se rend pas compte de ce qu'on perd quand on a plus d'âme. À force d'en prendre plein le pif, j'ai changé mon train de vie en ces moments difficiles. J'ai su me montrer simpliste, j'ai joué carte sur table. Et tout cela implique de ne pas lâcher l'affaire, surtout quand on sait qu'il n'y a plus de place. Je me retrouve dans un cul-de-sac comme Furax, me voilà parti dans mes croisades pour conquérir un champ de vision plus large. Qui paraît mon étoile scintille, c'est ce qu'on me répète à chaque fois. Alors dites-moi pourquoi mes rêves et mes envies ne sont plus là. Ma rancune parle lorsque ma plume gratte la feuille, c'est le retour de flamme. J'avais bien qu'à être au calme, ça exploserait plus tard. Rien à foutre, je suis resté ce gosse imbuvable, désagréable, impulsif, souffrant de mal incurable. Je suis resté froid, j'ai laissé croire à certaines personnes qu'au fond de moi j'avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire affaire à tout. Je suis resté froid et j'ai laissé croire à certaines personnes qu'au fond de moi j'en avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire règlement, rien à foutre. J'en ai fait des petites entorses. Si chacun fait son cinéma, je peux dire que j'ai fait de mon film un flop. J'ai fait ce que j'avais à faire avec juste quelques billes en poche. Philanthrope, méfiant à la fois et parfois pire encore. J'ai visé dans le mille en force. J'ai dû partir en Corse pour être cet esprit en béton brutal quand la ville s'endort. Voir la vie en rose et quand le big chantonne, être ce petit dans l'homme qui donne de la valeur aux mots et transforme ses lignes en or. Un parmi tant d'autres errant parmi mille fantômes sans chercher à discerner le bien du mal car trop souvent le vice l'emporte. On m'a dit regarde bien, tu verras beaucoup de mépris dans l'homme. J'ai vu et bizarrement j'en suis devenu misanthrope. Sans voix, j'ai poussé tant de cris sans cop. Grandi sans code, aujourd'hui inconscient de ce que ma puissance donne. Dans un puits sans fond, j'ai su escalader car je fais partie de cette jeunesse qui aiguise un appétit sans borne. Je suis resté froid, j'ai laissé croire à certaines personnes qu'au fond de moi j'avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire affaire à tout. Je suis resté froid et j'ai laissé croire à certaines personnes qu'au fond de moi j'en avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire affaire à tout. Je voulais remonter à la surface, arrêter de faire du surplace. Je voulais remonter à la surface, arrêter de faire du surplace. Génération, je m'en foutiste. Du mal à la mettre en sourdine. Et si ta place, tu comprends pas ce qu'on est, viens donc voir ce qui se passe en coulisses. Rien à battre, on se plaît à vivre dans ce courbis. Parfois nos jambes s'engourdissent, du coup beaucoup en deviennent malades. Je suis resté froid, j'ai laissé croire à certaines personnes qu'au fond de moi j'en avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire affaire à tout. Je suis resté froid et j'ai laissé croire à certaines personnes qu'au fond de moi j'en avais rien à foutre. J'ai ouvert les yeux quand il faisait noir et comme un grand de cette faiblesse, j'ai su en faire un fier à tout.